Thank you.

m'approche, tu vas t'agiter et c'est que pour t'en pas salider. Fatalité, je crisais quand ça va tilter au lieu de saliter jusqu'à ce que par un porte à cliquer. Yo, je vais danser les vieux et dormir les enfants surexcités. Parce que j'aime pas les phases de merde. Et va pas croire que je l'aurais fait si j'avais du temps à perdre. Tu sais même pas le cas, j'ai un truc important à faire. Trouver un endroit où t'es pas là. Un peu de l'air, faut que j'aille au frigo chercher une canette, faut que je trouve un pédo. D'ailleurs en parlant de ça, t'as pas un pédo. Vas-y, n'est pas n'importe où. Ce soir c'est la fête, mais ne me parle pas trop s'il te plaît. Tu prends la tête, moi je vais aller bouger les bras, brûler le gras. J'allais sur de la funk à coup de bibap là. Donc bouge de là, bout de VK. Moi je ne risque pas, non je ne suis pas Bouteflika. Je suis qu'un type normal, il paraît, mais j'ai la saveur. Un type banal, je viens d'ailleurs. Je kick sale, tu le sais. Demande à ta sœur, je suis qu'un type normal, c'est vrai. Mais le meilleur. Un type normal, c'est vrai, yeah. Mais je suis le meilleur. Sans mal, comment respirer la joie, esquiver la loi, comment feinter, comment lutter, comment ça va toi? D'ailleurs tu deviens quoi? Ne me sors pas de mytho, genre vendre de coca, c'est jour prolongé au comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho, donc viens sur les bras et va plutôt laver tes chicots. Tu n'es qu'un ego, tu pensais me dominer, va donc jouer au domino avec tes cheveux gominés. Tu n'es qu'un minot, titi et moi gominé. Comme un minot, elle joue pour faire mon zoo au dîner. Prépare-toi à halluciner. Je pèse du bon, là, c'est du cible. Je check mon gros, à faire ma bande, du ciné. Je teste mon gars, mon mec, c'est pour moi de peur des os. Parmi mon gros perso du kick, parce que je teste un peu. Pour faire du monde en l'air, le prochain de ce bon vol, t'es tueur à qui le mino. La coupe d'homine, c'est le niveau. C'est que j'ai des crocs, j'ai fait des champs, moi je suis un ciné. J'ai pas le temps pour les filous, puis j'ai pas le temps pour tes conneries là. T'as pondu un 16, mais moi je te nique, appelle mon papy. Pardon pour l'inceste, pardon si j'insiste. Mon son un zeste, citron, tabasco, wasabi, ça pique, mais vas-y, résiste. Tu veux du bac, zomique? Non, non, j'ai pas le temps. Je veux nada de ma vie, mais bon, j'ai pas le temps. Tu veux que ça aille vite? T'es fanatique. Le rap, c'est pas de la magie, tu t'agites, mais moi j'ai pas le temps. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.